الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc maintenant le cours 45 dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni rahimahullah, Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec les explications de Sheikh Rabi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. On commence un chapitre maintenant qui s'intitule Al-Imanu bil-Jannati wal-Nar وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que le paradis et l'enfer, il faut y croire, hein? Il faut avoir l'iman en le paradis et l'enfer, et il faut croire que le paradis et l'enfer, les deux sont créés par Allah Azza wa Jal, et que ils ne vont jamais disparaître, ils vont jamais disparaître ou bien cesser d'exister. Et l'imam al-Sabuni, il dit: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا ويؤمرون بالموت ويؤمر بالموت فيذبح على صور بين الجنة والنار وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود لا ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam al-Sabuni rahimahullah, il explique que les gens de la sunna, ils ont comme croyance et comme conviction la foi en le paradis et l'enfer. Et ils croient que le paradis et l'enfer sont créés par Allah Azza wa Jal. Et que ce sont deux choses qui existent actuellement déjà. Et qu'ils vont demeurer éternellement et qu'ils ne vont jamais cesser d'exister. Et que le paradis, une fois que les gens du paradis sont rentrés dedans, ils ne vont jamais en sortir. De même que les gens de l'enfer, ceux qui font partie de ses compagnons, de ses habitants, et ceux qui ont été créés pour l'enfer, c'est-à-dire les mushrikines, les kuffars, eux, s'ils y rentrent, ils n'en sortiront jamais. Hein? Contrairement aux gens du tawhid, aux gens de la foi, s'ils ont commis des péchés, c'est pas des péchés qui atteignent le degré de shirk ou de kufr. Eux, s'ils rentrent en enfer, eh bien, ils ne vont pas y demeurer éternellement, puisque Allah Azza wa Jal va les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis. Tandis que les gens qui sont morts sur le shirk ou sur le kufr akbar, eh bien, ceux-là, s'ils rentrent en enfer, ils ne vont jamais en sortir. Wala'iyadu billah. Et le cheikh explique également que Allah Azza wa Jal, il va ordonner à ce moment-là, lorsque les gens de l'enfer sont rentrés dans l'enfer et les gens du paradis sont rentrés au paradis, il va ordonner qu'on amène la mort sous la forme d'un mouton. Et il va l'égorger sur une clôture ou sur une séparation entre le paradis et l'enfer. Et quelqu'un va appeler ou une créature. Allah va faire qu'on appelle pour dire à ce jour-là ou ce moment-là: ô les habitants du paradis, l'éternité, et il n'y a plus de mort. Ô les habitants de l'enfer, l'éternité, et il n'y a plus de mort. Et ça, c'est mentionné dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le Cheikh Rabi' hafidhahullah, il explique, il dit: كَذَلِكَ مِنَ الْعَقَائِدَ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا أَهْلُ السُنَّةِ عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ فجميع الفرق يعني فجميع الفرق تعتقد أن هناك جنة ونارا، لكن المعتزلة بعقولهم الفاسدة قالوا الجنة والنار إلى الآن ما خلقتا لأن خلقهما في الدنيا قبل الجزاء بهما عبث قاتلهم الله. والأدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة، فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى في النار: لما تحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت يعني قد أعدها الله وهيأها فهي موجودة. وقال في الجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في النار أيضا أعدت للكافرين إلى آيات أخر وأحاديث تدل على أنهما موجودتان. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في الحار أو في الحر، وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فشدة الحر هذه يعني من سموم النار لأنها موجودة، وشدة البرد من زمهريرها لأنها موجودة. وأدلة أخرى تدل على أن النار مخلوقة والجنة مخلوقة موجودة، ومنها قول الله تبارك وتعالى في الحديث عن الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها الجنة المأوى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى، يعني سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فهي موجودة فعلا، وأدلة أخرى تدل على وجودهما. Donc on va expliquer cette partie inshallah. Après on continuera la suite. Le Cheikh Rabi hafizahullah, il dit c'est ainsi que la croyance également des gens de la Sunna distingue des gens de l'égarement du fait qu'ils croient que le paradis et l'enfer sont créés par Allah Azza wa Jal et que le paradis et l'enfer existent déjà. Allah les a créés déjà. Et donc, il dit que toutes les sectes d'égarement qui existent parmi les musulmans, elles croient qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. Mais par exemple, il y a la secte des Mu'tazila, avec leur raison qui est corrompue et leur fausse logique, eux, ils prétendent que le paradis et l'enfer n'ont pas encore été créés. Et ils disent que le fait que le paradis ou l'enfer soit créé maintenant, avant la rétribution, ils disent que c'est inutile, hein, que ça servirait à rien. Donc le cheikh, yani, Allah al-Musta'an, il dit « قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ». Pourquoi ? Parce que les Mu'tazila, ils utilisent leur tête dans les questions qui ont rapport avec Al-Ghaib. Ils essaient de juger les questions qui ont rapport avec l'invisible avec leur logique. Et c'est pour ça qu'ils commencent à nier des choses qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, sous prétexte que pour eux, c'est pas raisonnable ou c'est pas logique. Et ça, c'est tout à fait incorrect de leur part d'agir de cette manière. Puisque le Ghaib, personne ne le connaît excepté Allah Azza wa Jal. Et nous, on se réfère uniquement à ce que Allah et son messager nous ont mentionné de la révélation. Et si c'est mentionné dans la révélation, alors c'est la vérité. Hein? Et le cheikh, il explique aussi que les preuves du Coran et de la Sunna sont claires sur le fait que le paradis et l'enfer existent. Et il y en a nombreuses preuves à ce sujet-là. Parmi les preuves dans le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, sahih. Ah, ça c'est une bonne preuve aussi, le fait que Allah Azza wa Jal, comme le frère il mentionne ici, qu'il a créé Adam et sa femme Hawa et qu'il lui a dit habiter tous les deux dans le paradis. Donc ça c'est la preuve que le paradis il existe déjà. Non, sahih. Exactement. Oui, parce que sinon il n'aurait pas dit Al Jannah. Il aurait dit « Fi Jannah ». Mais il a dit « Al-Alif wal-Lam ». Ça indique que c'est le paradis. c'est-à-dire celui qu'on connaît. Et il cite le verset 24 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a défié les kuffars de ramener quelque chose semblable au Coran, il dit dans le verset 24, et si vous ne le faites pas, et vous n'allez jamais être capable de le faire, alors préservez-vous ou protégez-vous d'un feu, ou bien du feu, dont le combustible sera les hommes et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Et le cheikh, il dit, s'il a été préparé, ça prouve que Allah Azza wa Jal l'a préparé et qu'il existe déjà. Et la même chose aussi à propos du paradis dans le verset 133. Dans le verset 133 dans Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal, il dit, sari'u, précipitez-vous, dépêchez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis dont la largeur dépasse les cieux et la terre. Préparé pour les pieux. Préparé pour les muttaqin. Donc ça veut dire que il a été préparé déjà. Ça veut dire qu'il existe. La même chose aussi pour l'enfer. Et donc les deux, il y a des nombreux versets et des hadiths qui indiquent qu'ils existent déjà. Parmi les exemples que le cheikh a mentionnés par rapport au hadith, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsqu'il fait très chaud, alors yani cherchez à vous rafraîchir par la salat. Il dit parce que la chaleur intense, eh bien, ça vient du souffle de l'enfer. Et donc, il mentionne que l'enfer est venu se plaindre à son Seigneur. Hein? Et l'enfer a dit, « Oh mon Seigneur, une partie de moi-même a consumé l'autre. » Hein, à cause de l'intensité de sa chaleur, il s'est brûlé lui-même, ou il s'est, disons, consommé une partie de lui-même. Alors, Allah Azza wa Jal lui a donné la permission de prendre deux souffles. Un souffle durant l'été et un souffle durant l'hiver. Et il dit, la chaleur intense qu'on trouve durant l'été, hein, ça c'est le souffle, un des deux souffles de l'enfer, c'est la chaleur qu'on trouve l'été lorsqu'il y a les chaleurs intenses, et le froid intense qu'on trouve l'hiver, hein, c'est Az-Zamharir. Donc ça vient du souffle de l'enfer aussi. Et donc le cheikh il explique que l'intense chaleur qu'on retrouve, ça vient des fumées ou des émanations de l'enfer. Et donc l'enfer, ça prouve que ça existe. Et la même chose aussi pour le froid intense qu'on trouve l'hiver. Eh bien ça vient de l'intensité de du souffle de l'enfer aussi. Et il y a d'autres preuves également qui indiquent que le paradis et l'enfer existent actuellement. Et parmi ceux-là, le cheikh il cite les hadiths de il y a les hadiths de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Mais il y a aussi les versets qui font allusion à cet événement-là, lors de l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au dernier des cieux, lorsqu'il est monté dans la nuit de Al-Mi'raj. Et le cheikh, il cite les versets de 13 à 15 dans Surat Al-Najm. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, près de Sidratul Muntaha. Et Sidratul Muntaha, c'est un arbre qui est au septième ciel. Et c'est la limite que Jibril ne pouvait pas dépasser. Il dit, et près d'elle se trouve le jardin, c'est-à-dire le paradis. Jannatul Ma'wa, l'asile paradisiaque. Donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve que le paradis existe. Et il dit ensuite wa qala al-musannif wa annahuma baqiyatan la tafnayan abadan. Al-ayat al-waridah fi khulud ahli al-jannah wan-nar kathiratun jiddan wa khuluduhuma ya'ni baqa'uhuma wa dawamuhuma بحيث لا تفنيان من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى في الجنة في آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، وقوله في النار في آيات خالدين فيها أبدا يعني دائمة ومستمرة لا تنقطع ولا تفنى، لا الجنة ولا النار. ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومنها ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي لا ينقطع، ومنها وما هم بخارجين من النار يعني دائما وهم فيها. هذا دليل على بقائها ودوامها. ومن الأدلة إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم والعياذ بالله. والشاهد أن أهل الجنة وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل الضلال بأنهم يعتقدون ويشهدون أن الجنة والنار مخلوقتان، هذه مسألة. والمسألة الثانية أنهما لا تفنيان، والجهمية يقولون أن كلا من الجنة والنار تفنيان، وهاتان العقيدتان يعني يكذبهما كتاب الله، يكذبهما كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتان أن أهل الجنة الذين هم أهلها لا يخرجون منها، وأهل الجنة الذين هم أهلها لا يخرجون منها، وأنهما دائمتان، وأن عذاب الكفار مستمر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فتبين الحق من الباطل بنصوص الكتاب والسنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج الصحيح السديد، منهج أهل السنة والجماعة في كل القضايا في العقائد والأحكام والأخلاق، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا النور وهذا الهدى، وأن يجنبنا مزالق الضلال والهوى، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il explique pour terminer ce chapitre, il dit que l'imam al-Sabouni il clarifie que le paradis et l'enfer ils sont éternels et ils ne vont pas cesser d'exister. Donc ils vont toujours exister éternellement. Et il dit ensuite que les versets qui sont mentionnés à ce sujet-là, au sujet de l'éternité du paradis et de l'enfer, sont très nombreux. Et le fait qu'ils vont être éternels, qu'ils ne vont pas cesser d'exister, il y a à ce sujet-là beaucoup de preuves dans le Coran. Donc, par exemple, des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit « Khalidina fiha abada ».« Khalidina fiha abada », c'est-à-dire pour toujours. Donc, ça, c'est au sujet de l'enfer, et au sujet de l'enfer, il y a beaucoup de versets. « Wa alaykum salam wa rahmatullah ».« Khalidina fiha abada », Allah, il le répète à plusieurs reprises. Ni le paradis, ni l'enfer ne va avoir une fin. Et il dit, à propos par exemple de l'enfer, encore une fois, le verset 23 dans Sourate Al-Jin, « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il aura certes l'enfer, le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. » Et dans Sourate Al-A'la, « Thumma la yamutu fiha wa la yahya », c'est-à-dire, dans l'enfer, la personne qui est dans l'enfer, elle ne peut pas mourir et elle ne vit pas en même temps. Et dans le verset 75 dans Sourate Az-Zukhruf, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. C'est-à-dire que le châtiment, il va jamais cesser pour eux et ils vont y rester toujours humiliés pour toujours. Et il dit aussi dans le verset 166 dans Sourate Al-Baqarah, ce qui signifie, il dit, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, c'est-à-dire, ils ne vont jamais sortir. Ils ne vont jamais en sortir. Donc ça, c'est la preuve de l'éternité, hein, du paradis et de l'enfer. Et parmi les preuves de la sunna, on a mentionné tout à l'heure le hadith, selon Abi Huraira radiallahu anhu, et aussi rapporté par Ibn Omar dans Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque les gens du paradis seront au paradis, et les gens de l'enfer seront en enfer, on va ramener la mort. On va ramener la mort, et on va la mettre entre le paradis et l'enfer, et puis il va être égorgé. C'est-à-dire, la mort va être égorgée. Et on va appeler à ce moment-là, « Oh les habitants du paradis, il n'y a plus de mort, et oh les habitants de l'enfer, il n'y a plus de mort. » Et donc, les gens du paradis, ça va ajouter de la joie à leur réjouissance, et les gens de l'enfer, ça va rajouter de la tristesse à leur tristesse, « Wal'iyadhu billah ». Et le cheikh, il dit qu'il y a beaucoup, donc, de preuves, et après il explique que la position donc de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, eh bien, elle se distingue de la position des gens de l'égarement qui, eux, ne croient pas en l'éternité du paradis et de l'enfer. Donc, ils ne croient pas, premièrement, que le paradis et l'enfer existent déjà et qu'ils sont créés déjà. Et deuxièmement, ils ne croient pas qu'ils sont éternels et qu'ils ne vont jamais cesser d'exister. Donc, parmi les sectes qui ont dévié à ce sujet-là, on a mentionné les Mu'tazila et aussi la secte des Jahmiya. Hein. Les deux, ils refusent d'affirmer que le paradis et l'enfer sont éternels. Et donc, yani, leur croyance, elle contredit le livre d'Allah. Hein. Et le livre d'Allah, Allah Azza wa Jal, il l'a décrit en disant « La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi » C'est-à-dire, la fausseté ne peut pas l'atteindre, ni par devant, ni par derrière. Et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est claire aussi à ce sujet-là. Donc, ils contredisent le Coran et la sunna. Du fait qu'on affirme que, yani, les gens du paradis, ils vont y rester pour l'éternité, et les gens de l'enfer, qui sont les habitants de l'enfer, ils vont y rester pour l'éternité, ils ne vont jamais en sortir. Et qu'ils vont y rester pour toujours, éternellement. Hein? Et que le châtiment des koufars, il est éternel dans l'enfer. Leur châtiment ne va jamais s'arrêter. Donc ça, c'est la vérité à propos de cette aqidah. Et on voit clairement la différence entre les deux. Maintenant, un autre chapitre, c'est le chapitre à propos de Al-Iman et la définition de Al-Iman selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Donc, Al-Imanu, le titre, c'est Al-Iman, qawlun wa amalun, yazidu wa yankus. Donc, la foi, selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a, c'est composé des paroles et des actions. Donc, c'est pas seulement les paroles tout seul, et c'est pas les actions tout seul, c'est les paroles et les actions ensemble. Avec, bien entendu, la aqida, la croyance du cœur. Et il dit « Yazid wa yankus », c'est-à-dire la foi, elle augmente et elle diminue. Donc on va voir les détails à ce sujet-là. L'imam As-Sabuni, il dit « Wa min madhhab ahli al-hadith, anna al-iman qawlun wa amalun wa ma'rifa, yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-ma'siyah. » Qala Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Shaqiq, « Sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah an al-iman fi ma'na al-ziyadati wa al-nuqsan » فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. Donc ici, l'imam As-Sabuni dit la position des gens du hadith, Ahl-Sunnah, hein, c'est que la foi c'est une parole, une croyance, une connaissance, elle augmente avec les actions d'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et il cite ensuite une citation où on pose la question à l'imam Ahmad, hein, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, imam Ahl Sunnah. Et on lui a posé la question suivante à propos de la foi et la signification de l'augmentation et de la diminution. Et donc les imams des salafs, on sait la plupart d'entre eux, lorsqu'ils mentionnent une aqida ou une question qu'ils répondent, ils répondent toujours par rapport à qu'est-ce qu'un imam avant eux avait répondu ou qu'est-ce qu'un de leurs salafs a dit. Et ici on voit l'exemple, puisqu'il rapporte une parole avec l'isnad. Hein, il dit « Haddathana al-Hassan ibn Musa al-Ashyab, Haddathana Hamad ibn Salama ». Hamad ibn Salama, c'est un des grands imams, un des grands imams parmi les imams du hadith. Selon Abu Ja'far al-Khatmi, selon son père, selon son grand-père, Omer ibn Habib, il dit « La foi, elle augmente et elle diminue ». Et quand on lui a posé la question « Que signifie son augmentation ?» et « Que signifie sa diminution ?», il a donné un exemple. Il a dit « yani, lorsqu'on se rappelle d'Allah et qu'on le glorifie, hein, on dit Alhamdulillah et on dit Subhanallah, ça c'est l'exemple de l'augmentation de la foi. Et quand on est insouciant ou quand on oublie, hein, ça c'est l'exemple de la diminution de la foi. Et Cheikh Rabi, il explique cette parole-là, il dit « Qala l'imam al-Sabuni » ومذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية فالمرجئة طوائف ومنهم الغلاة ومنهم مرجئة الفقهاء فالغلاة منهم يقولون الإيمان هو المعرفة وهم الجهمية وهذا ضلال ولازم قولهم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن لماذا؟ لأنهم يقولون يعرفون الله، يعني إبليس يعرف الله تبارك وتعالى وأنه خلق هذا الكون وخلق الجنة والنار ويؤمن بالقدر إلى آخره. قال تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، يعني يقسم فيقول فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. يعرف الأسماء والصفات، فهو يعرف الله عز وجل، والتصديق موجود عنده، والمعرفة موجودة عنده، ومن ذلك ومع ذلك فهو أكفر الكافرين. فالذي يقول الإيمان هو المعرفة فهو ضال مضل، بل عقيدته كفرية، وكفرهم السلف. Donc ici, le cheikh, il explique un point important par rapport à la foi. Et il explique que l'imam al-Sabuni, il a défini la foi selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et quand on regarde les paroles des salafs au sujet de la définition de la foi, certains, ils utilisent différentes façons de l'exprimer, mais les significations sont toujours les mêmes. Des fois, ils vont dire « qawlun wa amal wa atiqad ». Ou bien, ils disent « atiqadun bil janan wa qawlun bil lisan » wa yani amalun bil arkan. Des fois ils disent comme l'exemple ici al-iman qawlun wa amalun wa ma'rifa. Donc tout ça c'est dans ce sens-là. Et il dit donc ça la foi elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Et Cheikh Rabi il explique que cette question, ça fait partie des questions sur lesquelles les sectes islamiques ont divergé, et parmi les sectes qui ont dévié à ce sujet-là, au sujet de la définition de la foi, il y a les Murji'a, hein? Et les Murji'a, il faut savoir que c'est pas un seul groupe. Les Murji'a sont plusieurs groupes. Ils sont divisés en plusieurs groupes, et ces groupes-là sont dans des degrés d'égarement différents. Certains, leur égarement, elle est plus extrême, tandis que d'autres, leur égarement est moins extrême. Les plus extrêmes, parmi les Murji'a, ce sont les Jahmiyyah. Ça, c'est les plus extrêmes. Pourquoi? Parce que eux, ils disent que la foi, c'est al-ma'rifa. Al-ma'rifatul qalbiya faqat. C'est-à-dire, si tu prétends que tu connais Allah, tu es mu'min. Peu importe qu'est-ce que tu dis. Peu importe qu'est-ce que tu fais. Hein? Et c'est pour ça que pour eux, même si on a, si on applique ça, si on se base sur qu'est-ce que eux ils définissent sur ce qu'ils donnent comme définition de la foi, selon leur position, on pourrait même prétendre ou dire que Pharaon est un croyant, et on pourrait même dire que Iblis est un croyant. Et le cheikh il explique pourquoi. Et le cheikh il dit ça c'est de l'égarement. Pourquoi? Parce que quand on regarde par exemple Pharaon, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran au sujet de Pharaon, yani wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. C'est-à-dire il a renié les verses, les preuves, les miracles d'Allah. Mais dans leur cœur, ils savaient avec conviction et avec certitude que ça vient d'Allah. Donc c'est pour montrer l'exemple que Pharaon, il avait la certitude et la connaissance que Allah existe et que c'est lui qui a fait les miracles. Mais par orgueil, il refuse de l'admettre. Donc, selon la définition des Jahmiya, qui disent que la foi c'est la connaissance, ça voudrait dire que Pharaon il est mu'min, parce qu'il connaissait Allah, il reconnaissait son existence. Et on sait très bien que reconnaître l'existence d'Allah, c'est pas suffisant pour être un mu'min. Parce que la foi, c'est plus que la connaissance. La foi, c'est aussi le fait de déclarer la foi et de mettre en pratique la foi et d'agir selon les ordres d'Allah, hein, et de se soumettre à lui. Hein? C'est comme Abu Jahl. Il connaît Allah, il sait qu'Allah existe, il sait qu'il est unique. Mais il refuse de suivre le messager et de suivre le Coran et de suivre la révélation et de se soumettre à Allah. Donc c'est pas suffisant. Et il donne l'exemple de Iblis. Iblis aussi, si tu prétends que la foi c'est la connaissance seulement, eh bien, est-ce que Iblis il connaissait pas Allah? Il connaissait Allah, même qu'il était parmi les anges. Hein? Il était parmi les anges. Il avait beaucoup de connaissances. Même que, yani, il faisait partie des rapprochés d'Allah. Mais quand Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner devant Adam, il a refusé par orgueil. Hein? Donc la connaissance, ce n'est pas suffisant. Même s'il connaissait Allah, il est quand même, hein, il est quand même un kafir. Et le cheikh, il dit même qu'il croyait, en Allah, il connaissait certains des noms d'Allah, il savait qu'il y avait un paradis, qu'il y a un enfer, et même il croit au qadar. Parce que quand Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner à Adam, hein, lui il a refusé. Et il lui a dit, Allah Azza wa Jal lui a dit, « Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-alin. » Donc lui il a refusé de se prosterner par orgueil et par arrogance. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu Iblis? Il aurait pu dire, « Ya Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilayk. » Comme Adam. Adam, alayhi salam, quand il a désobéi à Allah, il a demandé pardon et il s'est repenti et Allah l'a pardonné. Mais Iblis, lui, au lieu de se repentir, de demander pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé Al-Qadar pour justifier son acte. Il a dit, « Fabi'izzatika » قال ربي بما اغويتني. C'est comme si en voulant dire, oh Allah, c'est toi qui m'as fait dévier. Donc il utilise le qadar pour essayer de justifier son acte au lieu d'accepter son tort et de reconnaître son erreur. Il accuse, hein, le qadar. D'accord? Donc ça c'est la preuve encore une fois qu'il croit au qadar, mais il n'y croit pas correctement, puisque s'il croyait correctement au qadar, il aurait simplement demander pardon à Allah et il se serait repenti, mais il a refusé de se repentir. Et avec l'orgueil, hein, il a même accusé le qadar. Allahu al-musta'an. Et donc, le cheikh il explique que ça c'est la preuve que malgré qu'il a reconnu l'existence d'Allah, qu'il connaît ses attributs et qu'il reconnaît ou qu'il admet l'existence du qadar et la foi en le qadar, mais, hein, il est malgré tout un des plus grands mécréants puisque la foi, l'iman, c'est pas seulement la connaissance, hein, et c'est pas suffisant uniquement de connaître Allah Azza wa Jal. Et donc, celui qui dit que la foi, c'est la connaissance seulement, eh bien, c'est un égaré. Et il dit, le cheikh, que cette aqidah, c'est une aqidah kufriya, c'est une croyance de kufr, de prétendre que la foi, c'est seulement la connaissance. Donc ça, c'est, comme on a dit, al-ghulat, les extrémistes parmi les murji'a. Il y a d'autres groupes parmi les murji'a, et les moins extrémistes parmi eux, c'est ceux qu'on appelle murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha, le cheikh, il dit, yaqulun al-imanu huwa al-tasdiq. Hein? تصديق بالقلب وقول باللسان والعمل ليس من الإيمان. Ça c'est la parole des مرجئة الفقهاء. Le شيخ il dit الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه ليست من الإيمان عند مرجئة الفقهاء وهذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة. Allah subhanahu wa ta'ala samma as-salata imanan. Qala fi al-Qur'an wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum wa atlaqa 'ala al-a'mal annaha min al-iman. Qala Allah tabaraka wa ta'ala innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية عظيمة جدا والقرآن كله عظيم، ففيها بيان أن الأعمال أعمال القلوب من الإيمان لقوله والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبيان أن الإيمان يزيد لقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وبيان أن الأعمال من الإيمان لقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فعد الأعمال من الإيمان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح عدها من الإيمان فبين أن الإيمان يزيد يقرأ القرآن فيزيد يذكر الله أو يذكر الله فيزيد يصلي فيزيد كل عمل صالح يعمله يزيد في إيمانه والمعاصي تنقصه وأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل ومعرفة والمعرفة يعني الاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأدلة على الزيادة ذكرناها ذكرناه لكم ومنها آيات كثيرة. Donc on va traduire ce passage, après on va expliquer la suite. Donc les murji'atul fuqaha, c'est un autre groupe parmi les murji'a. Eux, ils disent que la foi, c'est at-tasdiq. Hein? Et là, il y a aussi d'autres groupes parmi les groupes que le cheikh n'a pas mentionné parmi les murji'a, dont les asha'ira. Asha'ira et al-maturidiyya. Ils font partie des murji'a aussi. Et les Asha'ira, ils disent l'iman هو التصديق فقط. Ils existent encore. Murji'at al-fuqaha, ils existent. C'est la Maturidiyya. La Maturidiyya, c'est l'Ahnaf. Hein? Oui, c'est des musulmans. C'est des sectes déviées qui se sont écartées de la compréhension correcte de la Sunna et de l'Islam. C'est comme les Qur'aniyoun, mais les Qur'aniyoun, disons qu'eux ne sont pas musulmans du tout, parce qu'ils rejettent la sunna. Donc celui qui rejette la sunna, il n'est pas musulman. Mais eux, ce sont des musulmans, mais ils ont des erreurs dans leur compréhension de l'islam. Ce sont des mubtadi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith, ستفترقوا هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من أنا عليه اليوم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire que la Umma de l'islam, elle va se diviser en 73 sectes. Hein? Comme les juifs se sont divisés en 71 sectes et les chrétiens en 72 sectes, il a dit cette Umma va se diviser en 73. Ça veut dire encore plus. Et il a dit, elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand on a posé la question, laquelle, au messager d'Allah qui sera sauvé, il a dit, celle qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire celle qui s'accroche au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des Sahaba. C'est eux qui sont sur cette secte qui est sauvée de l'enfer. Et quand on parle de l'enfer, que les autres sont, les 72 sont en enfer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont des firaq qui sont kafira. Parce que les ulama de Ahl Sunnah, ils ont expliqué que ça, c'est une menace. C'est une menace. Et quand Allah Azza wa Jal, il mentionne un péché par rapport à quelque chose et qu'il menace de l'enfer par rapport à ce péché-là, ça veut dire que la personne qui le fait, elle est sous cette menace. Mais ça ne veut pas dire que cette menace-là va être exécutée nécessairement. Parce qu'il est possible que la personne, elle a d'autres choses qui lui permettent d'effacer certains de ses péchés à cause des bonnes actions qu'elle a faites ou à cause des expiations, à cause des choses qu'elle a subies, des malheurs qu'elle a eus. Ou bien, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Non, cette interprétation, elle est basée sur des preuves. C'est-à-dire que cette compréhension des ulamas, comme par exemple quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne une menace à propos d'un péché, ou quand Allah, azza wa jal, il mentionne un péché par rapport à une personne, eh bien, les ulamas, ils ont compris que ça ne veut pas dire qu'une personne a fait ce péché-là qu'elle va nécessairement être punie. Puisqu'elle est sous la volonté d'Allah. Et la preuve de ça, c'est le verset dans le Coran. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire que celui qui fait le shirk avec Allah, Allah ne va pas lui pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. C'est-à-dire si quelqu'un meurt sur le shirk majeur, Allah ne lui pardonne pas. Mais il dit, tout autre péché qui est moindre que le shirk majeur, il le pardonne à qui il veut. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a fait un péché qui n'est pas kufr majeur, qui n'est pas shirk majeur, il meurt sur ça, il ne s'est pas repenti, Allah Azza wa Jal, s'il veut, il peut lui pardonner, ou s'il veut, il peut le châtier aussi. Et c'est possible aussi que la personne, elle ait fait ce péché-là, et qu'elle mérite le châtiment, mais que Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intercède au jour de la résurrection pour lui, parce qu'il fait partie des gens du tawhid. Donc, au lieu de le faire laisser tomber en enfer, il l'épargne et lui fasse miséricorde. C'est possible aussi qu'il rentre en enfer, mais qu'il ne demeure pas en enfer pour l'éternité. Il va rester un certain temps en enfer, puis ensuite il va sortir par l'intercession des intercesseurs. Parce qu'il n'est pas mort sur le shirk ou le kufr majeur. Donc tous ceux qui rentrent en enfer parmi les gens du tawhid et parmi les musulmans et qui n'ont pas commis un kufr ou un shirk majeur, il y a aucun d'entre eux qui va demeurer dans l'enfer éternellement. Donc parmi ces 72 sectes, il y en a qui font partie justement des gens qui sont sous cette menace-là. C'est possible que Allah fasse miséricorde à certains d'entre eux et c'est possible que certains d'entre eux rentrent effectivement en enfer, mais si leur bid'a n'était pas un shirk majeur ou un kufr majeur, ils vont éventuellement sortir de l'enfer s'ils rentrent. Hein? Donc déjà, on a dit, c'est pas certain qu'ils vont rentrer en enfer. Peut-être qu'ils vont y rentrer, si Allah leur fait miséricorde, ils ne vont pas rentrer. Si Allah décide de les châtier, c'est pour les purifier de ces péchés-là. S'ils n'ont pas fait un kufr majeur ou un shirk majeur, ils vont rester un certain temps en enfer, et ils vont éventuellement en sortir. Ceux qui vont rester en enfer pour l'éternité, c'est seulement ceux qui ont qui sont morts sur un kufr ou un shirk majeur. Et ça, c'est les sectes parmi les 72 qui ont des bid'ah qui sont kufr ou shirk. Comme ceux, par exemple, qui adorent autre que Allah, ou qui prient à des morts, ou qui adorent des saints, ou qui croient au qadar, qui renient le qadar, ou par exemple, qui croient que les awliyas connaissent le raïb, ou des choses comme ça. Ça, c'est du kufr. Parce qu'ils font partie de Ummatul Istijaba. Ummatul Istijaba. C'est pas l'abstrait, mon frère, ça, c'est des choses qui sont connues. Tous les musulmans d'Ahl Sunnah qui ont étudié ces sujets-là, parce que ça, c'est les paroles des salafs, des imams des salafs, l'imam As-Sabouni. Et ça, c'est un d'entre eux. Mais sinon, tous les imams des salafs, ils ont affirmé cette aqidah. C'est pas l'aqidah d'un imam en particulier, non. C'est l'aqidah de tous les imams des salafs, depuis les sahaba jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ce qu'ils affirment dans cette aqidah, c'est pas basé sur une preuve, ou deux preuves, ou trois preuves. C'est basé sur des dizaines et des dizaines et des centaines même parfois de dalil. C'est des principes, c'est des usul, c'est des fondements. C'est pas juste, des propos comme ça que on a avancé. Non, il y a des principes qui supportent ces règles-là et ces croyances-là. Et le hadith de Firaq, il est rapporté par plusieurs sahabas, parmi les sahabas. Et les narrations sont claires à ce sujet-là et authentiques. Sahiha. Et c'est pas quelque chose que tu peux nier avec ta tête, avec ton aql. Pourquoi? Parce que même si tu dis ou tu refuses de l'accepter, si quelqu'un, parce qu'il y a des gens parmi les hizbiyin et les gens de bid'a, ils refusent d'admettre qu'il y a des sectes ou qu'il y a des sectes qui sont déviées. Or, mais quand on regarde dans la réalité, personne ne peut nier qu'il y a des sectes parmi les musulmans et qu'il y en a qui sont déviés. Ça, c'est un fait. Donc on peut pas le renier. Ça fait partie des bid'ah aussi. Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, si c'était pas fait par les sahaba, si c'est quelque chose qu'à l'époque des sahaba, ça ne faisait pas partie de la religion, alors aujourd'hui ça ne fait pas partie de la religion. Et donc si on dit par exemple, est-ce que les sahaba, ils étaient des soufis, même le terme soufis, elle n'existait pas à l'époque des sahaba. Donc ça veut dire que c'est une innovation, c'est clair. Maintenant, il y a des ulama qui ont expliqué les détails de leur égarement. Il y a des soufis parmi eux qui sont des roulates, des extrémistes. Ils croient en Wahdatul Wujud. Tu connais Wahdatul Wujud? C'est-à-dire, ils croient que il n'y a pas de différence entre Al-Khaliq ou Al-Makhluq. Al-Kull Wahid. Allah et Al-Makhluq, les deux, c'est la même chose. Et il n'y a pas de différence entre Allah et la création. Allah et la création, c'est la même chose, c'est un, ça fait un. Ça, c'est Wahdatul Wujud. Il y a aussi parmi les croyances des soufis extrémistes, la croyance en Al-Hulul. Al-Hulul, Wal-Fana, Wal-Ittihad. C'est-à-dire l'idée que une créature ou un être humain peut devenir un avec Allah. Hein? Il se fusionne avec Allah et son ego se mélange avec Allah, il devient un avec lui, il perd sa propre existence, devient une part de l'existence divine. Et ça, c'est des croyances que certains parmi les soufis ont tirées ou ont pris des croyances des bouddhistes et des hindous, la croyance du nirvana. Et d'autres idées comme ça chez les chrétiens aussi qui croient en l'incarnation de Dieu en l'homme. C'est ça que les chrétiens croient lorsqu'ils disent que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. Ils disent que Dieu s'est incarné en Jésus. Il est devenu un avec lui. Et ça, il y a beaucoup d'autres religions aussi qui ont ce genre de croyance. Mais ça, c'est du shirk. C'est du kufr. Il y a aussi, Al-Quburiya, les gens qui adorent les tombes et les saints, qui prient aux morts, qui pensent que les saints peuvent les guérir ou les sauver ou leur donner la baraka en dehors d'Allah. et ils les appellent au secours quand ils ont des détresses et des choses de ce genre. Ça fait partie de certaines des croyances des soufis. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Sans parler des autres bid'ahs qui sont peut-être pas au degré de kofr, de shirk, mais qui sont quand même des égarements dans la religion. Hein? Comme ceux, par exemple, qui font le dhikr avec des instruments, avec des tambours, avec des mouvements, des danses, et qui sautent dans leur mosquée. Hein? Et ces gens-là, est-ce que tu les catégorises dans la catégorie des musulmans? Oui. Si, sauf les gens qui croient en wahdatul. Regarde, c'est pour ça que les ulama, ils distinguent. Là, je t'ai expliqué les roulates, leurs croyances. Ceux qui croient en wahdatul wujud, en hulul et ça, c'est des croyances qui sont shirkiya et kufriya. Et ceux qui sont dans ces catégories-là, on ne les calcule pas parmi les musulmans, parce que leur croyance, elle est en dehors des limites de l'islam. Tandis que ceux qui ne croient pas en ces égarements-là, et qui se disent soufis, mais qu'ils font des bid'ahs, comme ils dansent dans leur mosquée, ils sautent, ils font des dhikr avec les tambours ou les choses comme ça, on ne va pas dire que ce sont des koufars. D'accord? Mais on va dire que ce sont des gens de dalal, firq dal. Et il faut pas imaginer que quand on dit de quelqu'un qu'il est égaré ou qu'il fait partie des khawarij, par exemple, il y a des sectes comme les khawarij, ils font le takfir des musulmans. Ils égorgent les musulmans. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Eh bien, ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit nécessairement qu'ils sont des kuffars. Et même la plupart des ulama d'Ahl al-Sunna, ils ne font pas leur takfir. Mais il a mentionné que ce sont des gens d'égarement. Et même il a ordonné de les combattre, ces gens-là. Donc tout ça pour dire, yani, il y a des degrés d'égarement dans les sectes. Celles parmi eux qui ont dévié dans leurs croyances, au niveau qu'ils sont sortis dans le kofr ou dans le shirk majeur, les ulama d'Ahl al-Sunna, ils les déclarent kuffars. Mais ceux d'entre eux qui n'ont pas dépassé la limite de l'islam au point de rentrer dans le shirk ou dans le kufr majeur ou quelque chose qui est contraire dans les fondements de la croyance, eh bien, ils ne les déclarent pas nécessairement en dehors de l'islam. Mais c'est la même chose. Parmi les chiites, tu sais que chiites, il n'y a pas une secte seulement. Il y a des centaines et des dizaines et des centaines de sectes. Et parmi les chiites, il y en a qui sont des roulates, comme les Ithna Ashriya, il y a les Druze, il y a les Nusayriya, il y en a beaucoup d'autres, il y a les Ismailiya. Tous ces sectes-là sont en dehors de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent des fondements dans la croyance de l'islam. Ils pensent que, par exemple, Ahlul Bayt, les descendants de Ali sont des divinités. Ils les adorent en dehors d'Allah. Ils vont les adorer à leur tombe. Et c'est ça. C'est pas juste une divergence dans eux, ils essaient de faire croire que c'est une différence comparable aux divergences qui existent entre les madhahib de Ahl al-Sunnah. Par exemple, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, eux, ils n'ont pas de divergence dans la aqida, dans les fondements de l'islam. Mais les sectes comme Shia, Rafida, Duruz, Nusayriya, ces groupes-là, eux, non, c'est des gens, ils ont une autre religion. Ils insultent les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Aisha, radiyallahu anhum, et il y a beaucoup d'autres croyances qui sont en contradiction totalement avec l'islam. Ils prient au Ahlul Bayt, ils pensent qu'ils sont des divinités ou des êtres surnaturels ou qui ont des pouvoirs divins. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en contradiction avec l'islam. Et dans les murji'a ici qu'on a mentionné comme les jahmiya, ceux qui disent que la foi c'est la connaissance. Ben c'est la même chose, les ulama ils considèrent les jahmiya comme étant des non-musulmans, ils ne les considèrent pas parmi les musulmans. Parce qu'ils nient les noms d'Allah et les attributs d'Allah, et ils ne croient pas en le qadar. Ils ne croient pas en l'iman, selon la compréhension de Ahl al-Sunnah. Donc ça c'est des sujets mon frère, il faut aussi comprendre la différence entre al-takfir al-am, التكفير للمعين التكفير المطلق wa takfir al-mu'ayyan, ça c'est deux choses. Et c'est subtil, mais c'est très important de le comprendre. Si, par exemple, les ulama, ils disent, celui qui dit telle chose, il est kafir. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent les ulama takfir al-mutlaq. Ça veut dire, c'est un takfir général dans le sens que c'est une règle. Quiconque, par exemple, rejette un verset du Coran, il est kafir. T'es d'accord? Khalas. Donc, maintenant, ça, c'est une règle générale. Maintenant, si tu dis, par exemple, quiconque croit en wahdatul wujud, il est kafir. Ça, c'est une règle aussi. Maintenant, ça c'est des règles que les ulama mentionnent, mais quand il s'agit d'appliquer le jugement sur un individu en particulier, ça demande quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il faut iqamatul hujja. Et il faut yani ithbat ash-shurut wa intifa al-mawani'. Et ça, celui qui doit appliquer ça, c'est les ulama. C'est eux qui vont vérifier que la preuve elle a été établie sur cet individu, qu'on a vérifié la présence des conditions pour pouvoir déclarer qu'elle n'est plus musulmane et vérifier que les empêchements ont été éliminés. Sinon, on ne peut pas déclarer un individu comme étant non musulman aussi simplement que ça. Non, mais toi, tu dis ça comme ça parce que là, on se parle et on est au Québec et on est assis dans une mosquée, dans ce local. Il n'y a pas de gouvernement musulman, il n'y a pas un wali ou amr qui a cette responsabilité de trancher et de juger entre les hommes selon le livre d'Allah. Sauf que, si tu étais à l'époque des sahaba ou des tabi'in ou même des khulafa, ou même dans certains pays, même aujourd'hui encore, qui appliquent la charia et qui jugent selon le Coran et la sunna, si tu sors dans la rue, tu commences à dire « Yani, an Allah », hein? Puis tu montes sur la Kaaba, puis tu dis « Laysa fi jubbi illallah », comme disait Al-Hallaj. Hein? Eh bien, regarde qu'est-ce qui est arrivé à Al-Hallaj. Tu penses que dans l'islam, ça veut dire quelqu'un il dit qu'est-ce qu'il veut, puis les ulama, ils le laissent faire, et les hukam, les ulama et les dirigeants, ils le laissent faire dire qu'est-ce qu'il veut, même si c'est des paroles de kouf claires et des hérésies. Non. Il y a des règles dans l'islam. Il y a un chapitre dans Kitab... dans les kutub de fiqh, de tous les madahib, tu regardes, si tu veux voir le chapitre, je ne sais pas si toi tu es algérien, donc en Algérie, c'est le madhab al-maliki. Donc va voir dans les livres de fiqh maliki, Bab al-Ridda. Oui, le chapitre de l'apostasie. Va lire qu'est-ce que les fuqaha al-malikiya, ils ont dit dans ce chapitre. Et tu vas voir que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ce n'est pas quelque chose que les ulamas de l'Arabie Saoudite ont inventé. C'est des choses qui existaient depuis l'époque des Sahaba. Et ça fait partie du Coran et de la Sunna. Et l'imam Malik, il fait partie des imams de Ahl Sunna. Il fait partie des imams des Salaf. Donc, c'est-à-dire, il suffit juste d'étudier ces sujets-là et de les comprendre selon la compréhension des Salaf. Et si tu les étudies et que tu les comprends selon la compréhension des salafs comme il faut, eh bien tu vas être épargné de tomber dans l'égarement. Le but de connaître ces choses-là, c'est de pouvoir connaître la vérité et de pouvoir suivre cette vérité pour être épargné de ceux qui se sont égarés et d'être épargné au jour de la résurrection. Donc c'est pas le but nécessairement d'appliquer le jugement sur les autres ou de dire un tel ou un tel, il est comme ci ou il n'est pas comme ça. Mais de commencer déjà pour connaître la vérité pour soi-même, pour se sauver soi-même, et pour être sûr qu'on est sur le haq, pour que lorsqu'on rencontre Allah au jour de la résurrection, eh bien, bi'idhnillah, on espère qu'on le rencontre et qu'il sera satisfait de nous, dans notre aqida, dans notre manhaj, dans notre pratique, et dans nos actions, et dans nos paroles. C'est ça le but. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On n'a pas eu le temps de terminer, mais c'est pas grave. On va continuer la semaine prochaine. Inch'Allah.